Jean Bosco, Douiman. Bonsoir et merci d'être avec nous dans cette édition de cette soirée du 13 février 2017. Et en voici tout de suite les grands titres. Ce 13 février, c'est la journée mondiale de la radio. Cette journée est célébrée dans un contexte particulier pour les médias privés burundais. Certains ont été détruits l'année passée, d'autres qui sont fonctionnels heurtent parfois à la confiscation de l'information, surtout officielle. Le Conseil national de la communication annonce qu'une des radios toujours fermées pourrait émettre encore d'un moment à l'autre. Et c'est la radio Bonécha FM. Dans ce journal, vous suivrez la réaction de son directeur ad intérim. Le parti Sauvagnat Frodebout répondra au prochain round du dialogue inter-burundais prévu ce mois du 15, du 16 au 18 à Arusha en Tanzanie. Le vice-président de ce parti, Léon Sengedakumana, estime qu'il faudra distinguer les questions nécessitant la facilitation d'avec les autres qui n'en ont pas besoin et surtout, bien définir les vrais protagonistes afin d'accélérer ce dialogue. Et les enseignants, comme leurs élèves suivant l'enseignement post-fondamental, s'inquiètent du manque de documents pédagogiques. Les livres pour élèves et guides des enseignants, ils pensent que ce deuxième trimestre risque d'être annulé pour eux. Et dans le reportage de ce lundi, nous irons à Gisuru en Provence Ruyigi, où les anciens élèves de 10e de l'école fondamentale de Kawuyenge, qui ont échoué à l'édition précédente du test national, bénéficient d'une formation de préparation à une nouvelle épreuve. Oban Nyonguru y a été pour nous, il est de retour. Vous n'avez pas Isanganiro ? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. Plus de 30 radios sont à l'œuvre au Burundi, ce qui justifie la liberté de la presse dans ce pays. Selon le Conseil national de la communication CNC, qui s'exprimait aujourd'hui à l'occasion de la journée mondiale, ceux qui disent qu'il n'y a pas de presse privée au Burundi se trompent. Gabriel Biomugani, porte-parole de cet organe de régulation, explique que 3 stations restent fermées, mais une peut émettre encore d'un moment à l'autre, et c'est la radio Bonécha FM si elle décide de travailler dans d'autres locaux. Placide Niyongongere. Gabriel Bihumugani salue la collaboration entre cet organe de régulation CNC et les radios au Burundi. Il précise jusqu'ici que 33 radios, dont 3 de l'État, sont à l'œuvre. Je vous informe que nous avons 3 médias publics audiovisuels et nous avons 30 médias, 6 télévisions privées, 24 radios privées jusqu'en 2 au 31 décembre. Mais jusqu'à présent, nous avons 27 radios privées. Contrairement à ce que disent les étrangers, qu'il n'y a pas de presse privée au Burundi, vous voyez que c'est juste le contraire. Malgré ce pluralisme de radio Burundi, jusqu'ici, 3 stations restent fermées. Gabriel Bihumugani explique que la RPA et la télévision Renaissance avant les négociations, selon les vues des responsables de ces médias. Le responsable de la RPA, le responsable de Renaissance, ils reconnaissent que le Conseil national de la communication est un organe de régulation, mais qu'il n'a pas de pouvoir pour permettre que les deux radios puissent reprendre les activités. Ils ont déclaré qu'ils attendent l'issue des négociations inter-burundaises, qu'ils n'ont rien à attendre pour l'initiative du CNC pour leur réouverture. Et quant à la Bonécha FM, Gabriel Bihumugani, porte-parole du CNC, dit que, selon cet organe, peut réémettre à condition qu'il change de locaux. Ni traiter le dossier judiciaire. Ces journalistes n'ont pas de problème avec le Conseil national de la communication. N'ont pas de problème avec la loi. Pour dire que même la radio pouvait réémettre parce que regardez sa fréquence. Jusqu'à présent, on a interdit les journalistes de franchir les studios. Mais s'ils pouvaient permettre qu'ils pouvaient travailler ailleurs que là où ils travaillaient auparavant, je pense que la radio Bonécha puisse reprendre ses activités. En date du 13 février, où le monde célèbre la journée mondiale dédiée à la radio, Gabriel Bihumugani met en garde certains journalistes qui l'accusent de collaborer avec ceux qui ternissent l'image du Burundi via les informations fournies sur les sites web. Selon lui, ils s'exposent aux sanctions car ils ont été identifiés. Merci Placide. Le directeur AI de la radio Bonécha FM déplore que la journée de la radio trouve sa station encore fermée. Léon Massengo garde espoir que très prochainement, le radio va réémettre sans condition de changement de locaux. Il salue aussi l'implication du Conseil national de la communication CNC dans le dossier de réouverture de Bonécha FM. Suivez Léon Massengo, il est directeur AI de RSF Bonécha FM. Il était au micro de Placide Niyomwongere. D'abord, il faut déplorer le fait que cette journée mondiale de la radio arrive au moment où notre radio est toujours fermée, n'a pas encore eu l'autorisation de reprendre ses programmes près de 2 ans après. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel vibrant aux autorités burundaises pour qu'elles fassent tout et autoriser notre radio pour l'intérêt de tous les Burundais. Les autorités burundaises devraient aussi permettre l'accès aux sources d'information. Il y a un problème sérieux de rétention de l'information. Le Conseil national de communication dit qu'il n'y a aucun bloc pour réouvrir. Où réside exactement le problème? Je ne sais pas. La Commission nationale indépendante des droits de l'homme a mené des enquêtes et a adressé une correspondance au procureur général de la République pour dire que la radio Bonécha n'avait aucun dossier judiciaire. Nous pensons que les autorités devraient alors répondre à ce constat, à cette correspondance de la Commission nationale indépendante des droits de l'homme qui a réclamé aussi la réouverture de la radio Bonécha. Deuxièmement, nous sommes très contents de l'implication du Conseil national de la communication dans ce dossier. Et quand le CNC dit qu'il n'a aucun dossier avec la radio Bonécha, cela devrait amener les autorités à permettre la réouverture de la radio. Mais bien sûr, la réouverture, mais une condition est posée par le Conseil national de communication qui pouvait réouvrir, mais en travaillant ailleurs, non pas dans vos locaux. Comme nous n'avons aucun problème avec le CNC, pourquoi on devrait changer de locaux? Nous pensons que la radio Bonécha va rouvrir très prochainement dans les mêmes locaux parce que nos équipements se trouvent là. Il n'y a pas de raison d'exiger qu'on change nos locaux. C'était Léon Massengo, il est directeur AI de la radio Bonécha FM. Politique maintenant, le parti Savanya Frodebou compte aider le facilitateur à dénouer la crise burundaise de par ses origines lors du dialogue prévu du 16 au 18 février à Arusha en Tanzanie. Le vice-président de ce parti dit espérer que le facilitateur commencera par regrouper les participants en deux parties qui doivent dialoguer. Léon Ngendakumana considère que l'essentiel est de différencier les questions qui nécessitent la facilitation et d'autres qui n'en ont pas besoin pour accélérer le dialogue. Suivez Léon Ngendakumana au micro d'Alain Désiré Boukayenèze. Il faut d'abord souligner que la résolution des problèmes que nous avons aujourd'hui, le conflit ou la crise, sont de la compétence des Burundais. Le facilitateur ou le médiateur ne font que aider les Burundais à rapprocher les points de vue. Alors, notre contribution, c'est d'aider, c'est d'épauler. Je parle du facilitateur parce que le médiateur n'est pas très visible. C'est de l'aider à résoudre certains obstacles qu'il rencontre dans cette facilitation. Et c'est notamment la définition de l'origine et de la nature du conflit ou de la crise. Parce que là, il y a une confusion qui est entretenue, soit sciemment ou par manque d'éléments, par manque d'informations. Et concrètement, vos attentes par rapport à ce rendez-vous longtemps attendu? Après la définition de l'origine et de la nature de notre conflit, on va se fixer sur les parties qui doivent négocier. Et alors, il n'y en a pas beaucoup. Nous allons vraiment demander aux facilitateurs de nous aider à ne pas continuer à créer ou à entretenir une confusion là-dedans en invitant une multitude de gens. Il y a à peu près 40 partis politiques. Il y a à peu près 5 000 organisations de la société civile. Est-ce qu'ils peuvent les inviter? En fait, les partis qui doivent négocier se groupent en deux. Le pouvoir et ses alliés, où sont-ils? L'opposition et ses alliés, où sont-ils? Il ne peut y avoir plus de 2 partis. Si vous êtes humilié, ça veut dire que vous ne faites pas de la politique. Vous faites autre chose. Et troisièmement, nous attendons à ce qu'on puisse grouper cet agenda en 2 partis et commencer par les questions essentielles en rapport avec la vie du pays et des citoyens. Et si cette question, pour le Frodebou, on ne va pas céder. Troisièmement, on s'attend à ce qu'avec le facilitateur, on se convienne sur le dialogue interne et le dialogue externe. C'est le même dialogue qu'on peut diviser en 2 phases. Une phase extérieure avec la médiation internationale. Sous cette médiation internationale, on peut régler les questions urgentes avec l'arrêt des violences. Et enfin, on s'attend à ce qu'on discute du calendrier. Il a parlé de 6 mois. Maintenant, il ne reste que 5 mois. Nous allons l'aider à résoudre toutes ces questions. Le processus peut aller rapidement qu'on le croit. Mais si laisse chacun se positionner en disant « je cherche ceci, l'autre cela », ça ne marchera jamais. Léon Ngendakumana, c'est le vice-président du parti Sawanya Frodebou. Le Burundi est prêt à accueillir les Jeux militaires des pays de l'Afrique de l'Est qui se dérouleront au mois d'août de cette année. C'est le chef d'état-major adjoint Interarmes qui l'a affirmé ce lundi lors de la première réunion d'organisation de ces Jeux. Le général de brigade Ngendabanga Marius a en outre fait savoir que ces Jeux vont renforcer la cohésion entre les armées des pays de l'EAC. Suivez le général de brigade Ngendabanga Marius. L'objectif de cette réunion est de préparer les Jeux militaires qui seront tenus au mois d'août de cette année. Notre pays est prêt à accueillir ces Jeux militaires des pays de l'Afrique de l'Est. Ce n'est pas pour la première fois. Même en 2011, le Burundi a accueilli cet événement. L'objectif de ces Jeux militaires, premièrement, c'est que les militaires des pays de la sous-région se connaissent mutuellement. En plus, ça renforce la cohésion entre les armées de nos pays qui constituent l'Afrique de l'Est. Le chef d'état-major adjoint interarmes, le général de brigade Ngendabanga Marius, signalant que ces Jeux ont débuté en 2005 et ce sera la deuxième fois que le Burundi accueille ces Jeux militaires. La radio de l'avenir. Appel à nos correspondants maintenant. Une peine de 6 ans de prison ferme et 2 millions de francs burundais d'amende a été prononcée ce lundi par le tribunal de grande instance de Ruyigi contre un homme d'une trentaine d'années accusé de détention illégale d'armes à feu. Lors du procès en audience publique, dans le cadre des procès de flagrance, le coupable avait essayé de se décharger les accusations au détriment de son compagnon en voiture qui s'est excusé. Mais le chauffeur avec qui il avait comparu témoignait contre lui. Jean-Claude Chimiriman. À l'issue de la délibération d'un procès en audience publique tenu ce lundi au tribunal de grande instance de Ruigi, le nommé Claver Niongabo, originaire de la zone Kinama, commune Mouha, de la mairie de Bujumbura, a été condamné à 10 ans d'emprisonnement ferme et au paiement de 2 millions de francs burundais d'amende pour détention illégale et d'armes à feu. Cet homme, âgé de 38 ans révolu, et son co-accusé Désiré Bizabishaka, finalement acquitté par le tribunal, avaient tous été arrêtés ce dimanche à Mouliza, près des bâtiments abritant la commune Butaganzwa, à bord d'un véhicule de type Probox, immatriculé IA7899. Selon le ministère public, un fusil de type pistolet a été retrouvé dans cette voiture devant le siège sur lequel Claver Niongabo était assis, ce qui prouve à suffisance que le dit fusil était le sien. Cet argument est également tenu par Désiré Bizabishaka, chauffeur du dit véhicule en location à partir de Bujumbura. De son côté, Claver Niongabo s'est expliqué mais sans succès, en disant que son fusil était aux mains d'un autre homme avec qui ils étaient ensemble dans son véhicule, mais qui a vite esquivé à leur arrestation par les policiers. Le tribunal a voulu savoir l'identité de cet homme qui a fui à Mouliza, mais en vain, puisque le chauffeur Désiré Bizabishaka le présentait comme un compagnon du locataire du véhicule Claver Niongabo, embarqué comme lui à Bujumbura. Mais Claver Niongabo a catégoriquement nié cela et le présentait de son côté comme un simple passager tenu à bord du dit véhicule à partir de Guihamagara dans la province de Gitega. Vous saurez que pas mal de personnes de la ville de Ruigi ont assisté à cette audience tenue dans le cadre des procès de flagrance, la plupart d'entre elles cherchant à savoir la provenance des deux hommes qui étaient devant la barre. Jean-Claude Nshimirimana, Ruigi, Radio Isanganiro. Merci Jean-Claude, vous aurez compris qu'il s'agit d'une peine de 10 ans de prison ferme et non 6 ans, comme je le disais dans ce chapeau de cette correspondance. Une personne a été tuée par balle et sa voiture de marque Probox volée. Cela s'est passé ce dimanche soir à la colline Kiwizi, en commune Kirimba de la province Ngozi. Une personne est déjà arrêtée pour enquête. Apollinaire Muzagara. C'était aux environs de 18h30 ce dimanche, lorsqu'un groupe de deux personnes armées de pistolets ont commis sur force, selon des sources policières. Ces malfaiteurs avaient demandé à maintes reprises à Moussa Sabiliaremye, le chauffeur de cette voiture, de les conduire à Kiwizi, amener leur ali. Celui-ci avait refusé, ne s'entendant pas sur le prix. Ils ont fini par accepter 40 000 francs pour Ial. Le chauffeur Moussa avec le propriétaire de son véhicule, ont quitté le soir à Gasogwe, en province Muyinga, pour prendre les deux hommes à Masanganzira, en commune Kiremba de la province Ngozi. Arrivé à Kivezi dans une forêt, un de ces malfaiteurs a tiré sur le chauffeur et Moussa est mort sur le champ et son patron a pris le large d'après la police. Les bandits ont réussi à s'évader avec son véhicule qui reste jusqu'à maintenant introuvable. Les enquêtes policières sont en cours. Une personne est déjà sous les verres. Ngozi, Apone Muzagara, Radio Sangani. Merci Apollinaire Muzagara. Et les élèves qui suivent l'enseignement post-fondamental en Provence Bobanza s'inquiètent du manque de documents pédagogiques, les livres du maître et des élèves. Ils pensent que ce deuxième trimestre risque d'être annulé pour eux. Le peu de livres disponibles sont de loin suffisants selon ces enseignants qui demandent au ministère de tutelle de résoudre ce problème. À la direction provinciale de l'enseignement, on précise que le problème est déjà connu et que le rapport est déjà transmis au ministère. Spécialitas Cavagnana. À la sixième semaine de ce deuxième trimestre de l'année scolaire, les élèves de l'enseignement post-fondamental disent que les activités vont mal suite au manque de livres d'enseignants et des élèves du deuxième palier. À certaines écoles, surtout celles dotées de nouvelles sections comme la section pédagogique ou la section normale, sciences sociales et humaines, la section scientifique et autres, les élèves passent le temps dans des salles de classe, dans des occupations personnelles, ou à faire des exercices pour ceux qui peuvent en avoir, selon les directeurs qui ajoutent qu'au début de ce trimestre, ils ont eu le temps d'achever les programmes du premier palier et qu'ils ont tous terminé. Pour certaines sections, il manque à la fois les guides du maître et des élèves. Pour d'autres, seulement les guides des élèves sont disponibles. Et encore, pour d'autres, on y trouve seulement peu de guides du maître. À la direction provinciale de l'enseignement, on indique que le problème est connu et que le rapport est déjà transmis au ministère. Le directeur provincial de l'enseignement appelle plutôt au directeur de s'arranger à faire des photocopies des livres déjà disponibles pour continuer à travailler en attendant d'autres manuels scolaires. D'autres nouvelles de Provence en bref. Le paludisme est en recrudescence en Provence Muyinga. Les habitants des contrées localisées à moins de 700 mètres d'altitude attendent toujours la mise en œuvre de la campagne de pulvérisation intradomiciliaire pour lutter contre les moustiques. Une campagne annoncée depuis 3 mois déjà pour 2 districts sanitaires. Et flambée des prix du riz et de grande maïs dans plusieurs coins de la province de Bururi, et cela dans moins de 1 mois. Certains grossistes de ces produits évoquent la rareté de ces produits au marché, une situation compliquée par la dévaluation du franc burundais. Et les familles qui vivaient du tournage des films dans les maisons chef-lieu de la province ou bien dans les communes de la province car aussi demandent que leur maison soit réouverte après leur fermeture par décision du gouverneur. Ils demandent l'encadrement de l'administration pour continuer cette activité qui fait vivre leur ménage. À la source, reportage. Le reportage de ce lundi nous conduit en commune Gisuru de la province Ruyigi, où les élèves de la 10e année qui ont échoué l'édition précédente du test national à l'école fondamentale de Kawuyenge reçoivent une formation qui leur permettra de mieux préparer encore une fois cette épreuve. Ces élèves suivent leur formation dans une salle d'église, Pentecôte. Sur cette colline, faute de salle de classe, le directeur de cette école, Gilbert Ndingabandi, indique que cette école sous convention s'est aussi arrangée pour leur trouver un professeur vacataire qui donne des cours de sciences. Oban Yunguru s'est rendu à Ruyigi, précisément à Gisuru. Il est de retour, voici son reportage. La voix est de Marius Kwizerimana, un des élèves de l'école fondamentale de Kabuyenge en commune Gisuru. Celui-ci et 23 autres élèves de la même école qui ont échoué au test de la 10e année s'est fait inscrire pour pouvoir passer le test de l'année scolaire en cours. C'est après le communiqué du ministère de l'Éducation qui leur a donné cette prérogative. Ils venaient de passer 5 mois en chômage. Étant donné qu'actuellement la vie est très dure quand on n'a pas fait des études, j'ai préféré poursuivre mes études pour voir si je peux devenir comme mes prédécesseurs pour arriver à quelque chose. Ici, dans notre commune, les écoles de métier sont très éloignées de là où nous vivons, car on peut parcourir à peu près 54 km sans trouver une école de métier, d'où les difficultés de faire une formation d'un métier. Cette classe comptait 72 élèves. Seuls 26 ont réussi au test national de la 10e année. Ceux qui se sont fait inscrire sont au nombre de 24. Yvonne Sibosse, elle aussi élève autodidacte, fait savoir qu'il y en a ceux qui sont partis poursuivre leurs études en Tanzanie, tandis que d'autres jeunes filles se sont mariées. Certains, après avoir vu qu'ils ont échoué, ils se sont dit « on n'a pas le choix », ils ont pris le chemin vers la Tanzanie. Les uns disaient qu'ils vont faire les études dans les camps de réfugiés. Il y en a ceux qui se sont mariés, notamment certaines filles qui disaient que c'est terminé pour elles et suivaient des hommes qui leur proposaient le mariage. Le directeur de cette école, Gilbert Ndinkabandi, souligne qu'ils se sont arrangés à leur trouver une salle et un enseignant vacataire. Les autres enseignants sont des volontaires. Les élèves autodidactes, pour le moment, c'est soi-disant qu'ils sont à la maison. Mais ici, au lycée communal de Kabuyenge, nous avons eu un bénévole. Ils ont approché la direction du lycée communal de Kabuyenge en disant qu'ils peuvent les combiner et les suivre pour leur donner une formation afin qu'ils puissent faire l'examen au mois de mai avec un bagage suffisant intellectuellement. Alors, pour le moment, nous avons cet un bénévole qui est en train de dispenser les cours de biologie, de physique et de chimie. Le cours de mathématiques est en train de dispenser avec celui qui le dispensait dans l'année passée. Au cours d'anglais, moi le directeur, je me donne corps et âme pour le dispenser dans les week-ends ainsi que les après-midi, si c'est possible. Pour le français, c'est le préfet des études qui s'occupe de son cours. Au moment où ses élèves doutent sur la matière qui fera objet du test, s'il s'agit de celle de la 9e année fondamentale ou de la 10e année de l'ancien système, le directeur provincial de l'enseignement en province de Ruyigi, Bernard Gassigaye, souligne que chaque classe va passer le test suivant la matière qu'ils ont apprise. Aubin Niyonguru, c'est sur ce reportage que nous refermons ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Merci à Albert Ndouayo pour la mise en onde. Au micro, Jean Bosco Ndouimana. Nous vous souhaitons de passer une très bonne soirée à l'écoute de nos programmes.